tu précises. Que l'Héraclie, que l'Héraclie. Ok, ok. Donc, ce qu'on va faire, vu que, bon, on n'est pas trop expert en la matière encore, je vais commencer à envoyer des prods. Tout doux, les mecs vont s'installer. On va essayer d'enchaîner comme on peut. S'il y a des petits moments de creux, ben, on fera passer des sons, normal. On fera la promo. Il est 23h sur la 25e. On va balancer. Let's go, let's go. Bon, les boucs. Qui veut s'installer? Qui veut s'installer? C'est la 25e. De 22h à minuit, tous les jeudis. Ça va chauffer, mon gars. Vas-y. Eddie. C'est bon? Good, good, hey. Good. Hey. On relève les compteurs. Chaque heure. Attends. Relève les compteurs. C'est la 25e heure. Yeah, yeah. Mais plus fort dans le casque. Plus fort dans le casque. C'est bon comme ça? Ouais. Hey. Hey, Genio. Chaud, hey. Chaud, chaud. On relève les compteurs. Hein? J'acteur, menteur, suceur, on les baise. Hein? Toute la matinée, j'ai tourné dans le Banks. J'sors du lourd, j'attendrai pas que tu me dises thanks. Hein? Braquer le rap serait plus rentable que se faire un Brinks. La mélo, le peur, on aime ça. Ouh. La bécane, on aime ça. Yo. Le bédo, la baïda. Dans le bendo, y'a tout ça. Oui. J'ai pas attendu qu'on me sonne les cloches. Jamais. Ce que t'as fait bien dans ta sacoche, l'ai dans ma poche. J'donne de l'amour qu'à mes proches. Par moins 3 calés sous le porche. La stupe contourne le bas de portier à cramer leur lampe torche. Y'a du sang sur leurs mains. De l'argent sale dans le balmain. Yasmine fait la halal, elle s'est fait oui par Aladdin. On se fait vieux, on devient pieux. Elvis est là en mieux. L'oseille faut le claquer, bah ouais, on l'emporte pas aux cieux. Non. C'est réel, pas de mytho. On a trop vu les gyros. Des frères finissent au Hebs pour avoir vendu du bédo. Je laisse la place à Negrito. Chou. Negrito, chou. Tu parles de quoi, tu parles de qui? Ouais. Tu parles de quoi, tu parles de qui? Non. Tu parles de quoi, tu parles de qui? Première rafale pour te prévenir, deuxième rafale pour te punir. Je compte plus les mecs qui nous haïssent, je compte plus les putes qui nous trahissent. Obigo FD, Chimini, côté loge, je lui fais des sauvageries. Hein? Ce sont ces 5 CG, la mamie, c'est comme l'excité, il faut que je la maîtrise. Ouais. Negrito Nord-Nord, je suis partant pour tous les mettre terre, pas je suis partant pour tous les mettre d'accord. Corps. On parle de ton camp, le gun de ma team. Gâchette facile, on peut te gâcher ta vie. Pour un sentiment, gros soubi. Pour un sentiment, gros yébi. Pour un sentiment, gros yébi. Negrito. BLK 25 triple 0. Théo 2S, qui veut Pera? Qui veut Para? Hein? Il reste 1 minute 30. Vas-y mon gars. Qui veut cramer? Mets de la weed dans le mélange. Parle pas de bibite, on est s'allonge. On veut faire du bruit, ça les dérange. Ouh. Si ça parle d'un petit, ils disent pas non. Ouh. J'ai fait mes bails sans attendre, tu sois prêt, j'attends pas la médaille. J'en ai déjà trop fait, ceux qui pèsent c'est le travail. Soit tu claques ou t'as coffré Bellex, tu die, tu vas rien emporter. Skull. On monte dans les tons pour entrer dans le tas. Va tout le monde pas content, veut le brûler l'état. Marre de payer des taxes, vois le pouvoir des médias influencer tes choix. Non. Tu veux pas être un mouton, éteins ta télé, crée ton propre opinion. Ça paraît simple, c'est tout con. Manipuler, c'est pas des foules, mais des forts aux pigeons. Grâce au bled, je vois la galère. Et si je voudrais faire prendre un salaire? Salaire? Salaire? Salaire? Salaire? Salaire? Salaire? Salaire? Chao, chao, chao, il se passe un truc là. Quel vrai? Attends, coupe-moi l'instru, coupe-moi l'instru. J'y vois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, on est combien dans la pièce là? Bon, on est au moins 10, hein. On est combien dans la pièce? On est au moins 10. Là, on dirait qu'on est dans une chambre funéraire. Il se passe que dalle, là. les gars. Venez, on fait un peu de boucan, là. Wesh. Oh, vous êtes là ou quoi, les boucs? levez-vous, venez, on s'approche. Bang, bang. Hein? Tu me relances ça ou quoi? Qui vas-y, c'est qui reprend encore? Eh, venez, on fait un peu le boucan. On représente un peu. Allez. On renvoie. La 25e. Tout le monde se la joue perso. Tout le monde. Tout le monde se la joue perso. Hey. Tout le monde se la joue perso. Perso. Hey. Hey. Tout le monde se la joue perso. Perso. Per- personne, ils pensent pas quand t'es personne. Il faut se faire seul, gérer, c'est faire ça. Faut le faire zinc, non c'est faire ça. Merci au dar encore, on n'est pas des imbéciles. Non, c'est non. Qui un peu un le plus d'appétit, yeah, yeah. Faut t'as fait jamais des scellers et laisser le rire. Fais parler tes talents, faut exceller, mec, c'est vital. Faut de l'excellent, il faut de l'excellent taf. Waouh, waouh, waouh, j'arrive, on parle comme un trafic en dame. Dans les ténèbres, j'étais tapis dans le noir. C'est normal que je vais monter, moi j'arrive d'en bas. Y'a que les faits marqués de mon nez, pourquoi? On veut de l'argent, du pouvoir. Pourquoi vouloir être un youvoir? On veut le monde et puis tout voir. Pas être déçu dans le mouroir, gang gang. Pas être déçu dans le mouroir, gang gang. Ah, vous faites un pour tous, moi c'est un contre mille. Je vous dépasse en charisme, en flow et en nombre. Solo quand je roule dans les rues de ma ville. La personne qui ne m'a jamais trahi, c'est mon nom. La prod elle est lourde, charisme aussi. Je reste un crevard, mais laisse-moi t'expliquer. Je pouvais faire ma propre prod, mais sur celle-là y'avait marqué gratuit, alors j'ai cliqué. Donné ma dépense, j'en ai trop donné depuis que j'ai commencé, mais c'est convaincu. À suivre, à suivre, à suivre. Vous êtes toujours dans la Red Sacker, mon pote, c'est sur freestyle. Une heure non-stop. Ça va cramer du micro, merde, il fait trop froid dehors. Si, si, sapologue. Je reprends le même texte, non? Sapologue, reprends tout ce que tu veux. Reprends tout ce que tu veux. Reprends tout ce que tu veux. Sapologue, yeah, yeah, yeah, yeah. Vous faites un pour tous, moi c'est un contre mille. Je vous dépasse en charisme, en flow et en nombre. Solo quand je roule dans les rues de ma ville. La personne qui ne m'a jamais trahi, c'est mon nom. La prod elle est lourde et le charisme aussi. Je reste un crevard, mais laisse-moi t'expliquer. Je pouvais faire ma propre prod. Sur celle-là, il y avait marqué gratuit, alors j'ai cliqué. J'en ai marre des punchs, j'en ai trop donné depuis que j'ai commencé. Mais certains sont pas convaincus. Parce que pour eux, faut que tu parles que de drogue et de bif. Soit des hommes pour avoir un putain. Ma voix, c'est ma victoire et ma défaite. Ma couleur de peau devient mon bouclier. Crois-moi que quand t'es un négro dans un quartier très noir, personne veut. Dans l'histoire de ma vie, ça c'est le premier tome. Certains crois en moi juste pour compter des sommes. La vie m'a giflé quand une ancienne pote m'a fait frôler la justice juste pour un téléphone. Cousine, je pardonne, mais j'oublierai jamais. Je t'ai rendu service à la fin, je l'ai payé. L'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Et si t'es bonheur, ta gueule parce que tu ne sauras jamais. J'ai vaincu la défaite, mais c'est pas fini. J'ai des opposants qui me disent encore. Je vous rappelle qu'on vit dans un monde où ton propre frère dira que toi-même t'es. Négro, si t'es pas content, bah ferme ta gueule. J'ai demandé de l'aide à personne parce que je me souviens quand j'avais commencé. Mon plus grand supporter, bah c'était ma daronne. Sapologue. C'est chaud, mon pote. Sapologue, sapologue. On enchaîne. Le DRF. Hey. Le DRF. C'est comment l'équipe? Bien chaud. T'es moi. T'es moi, mon équipe, pas trop squatté de but. Tu me la rue, nous a tous donné un cœur de pierre. J'aurai devant mes proches que je réussirais, je tiens mes promesses. Donc maintenant, je ne peux que le faire. Fermez-la. Tu crois vraiment que je rêve du cul à Pamela? J'ai doublé sur scène et quand on les appelle, il faut genre qu'ils sont jamais là. Jamais. Bande de lâches, c'est vos artistes. Mais nous, sachez qu'on fera pas la même. Gardez votre équipe, viendrait peu de fierté et je ne serai pas. C'est pour ça, faut que je vende la mienne. J'ai tout donné, je serais pas là si j'avais pas rendu les coups. On faisait que boire les soirs, on était sous les toupes. Dans la liberté, dans ma chambre, comme sous des crous. Je tourne en rond. Et y'a que sur scène que je me sens à ma place. Ouais, ouais, m'en fous d'être reconnu, je m'en fous du million de vues tant que je suis fier devant ma glace. Bang. DRF, cousin. SLF crew. Blast. Toujours foncé sous ma paire de glacis. Bang. Toujours foncé sous ma paire de glacis. Bang. Ah. C'est qui rappe là? C'est moi, Joe. Sinon, on enchaîne une autre. Qu'est-ce que tu veux? Faut des millions de dollars, éviter à tout prix des dollars. Sinon c'est trop tard, à Noël le matin c'est le père fouettard. Tous les jours c'est un passant, faire venir en masse tous les passants. Dans le four y'a de la durée de la pasta. Revolver et y'a pas de sur la scène du crime. 2-3 rails tu tombes, tu chutes, j'en clique. Prends petit chute si t'es vif, est-ce qu'il a but? Pour les sous devenus bruts, des négros déchaînés dans la horle. Trop les gros, les saints doigts ils te mordent. Balance les côtés, on va bien tu côté dans nos cordes. Pas que trop mécras dans le fer. Clio société, ça leur met le feu. Dans la nuit ça a tiré tous les jours des coups de chlasse. Pas de soucis pour Ali, si tu coffres y'a les t'as peur qui me lasse, c'est prévu que je me tâche, fais ma liasse. Billet vert pour si pour ça, mais pas pour des tasses. Pose-toi tout l'hiver, on verra si t'as la dalle. En Espagne, souffle un coup, Lady Dallas. J'ai char au max de spé dans mon camas. Camas. J'ai char au max de spé dans mon camas. J'ai char au max de spé dans mon camas. J'ai char au max de spé dans mon camas. Élu 2FY, bang. NGRTO. Qui prend la suite? GRD Banks. Non, j'ai bon. BDRG. Il y a trop de gens qui ont pas l'instru, voilà. Ah, voilà, c'est AF. Allez, ça pour. Hey, yo. C'est GDR des Banks. Qui veut paiera sur celle-là? Qui veut paiera sur celle-là? Ok. Aye. Qui veut paiera sur Cinza. Celle-là? Cinza. Hey. Cinza. Hey. Show. Si on vit la nuit, c'est pour briller. Hein? Casser des prods, on le fait avec brio. On s'est perdu, la barque a dérivé. Pardonnez-nous, on se bat parce qu'on a des rivaux. Ils attendent qu'on chute, on n'est pas jackass. Banks. Eux ne savent pas qu'on a trop de potentiel. Banks. Au moins autant qu'il y a de proches au ciel. Banks. On arrive à trois comme un polandas. Castan brodé sur le chute. Et ces fils de pute en demandent encore. Coup de poker, j'ai des idées dans la chute. Tu parles à conquistador, mais conquistador. Je vis pour l'argent comme Bresson. Sans détergent, mais refume le cresson. Je suis pas Barry Allen. Toujours un flash et un nol dans la laine dans Ruelle Bresson. Eh, fidèle à mes potes comme Castro, eh. Collectif bien huilé comme Castrol, eh. On gratte mon obtien comme un astro, eh. Comme un astro, eh. J'ai donné ma confiance, ça m'a fait défaut. Bla bla bla, j'entends parler des faux. Je vois hâte mes défauts, ils peuvent me descendre, je renaîtrai de mes cendres. Hashtag Jermaine Defoe. Bang. Jermaine Defoe. Bang. Jermaine Defoe. Bang. J'ai dit Jermaine Defoe. Bang. Jermaine Defoe. Bang. Jermaine Deflow, Jermaine Deflow, Jermaine Deflow, Banks. Il est minuit, faut jamais t'attiser. Tenu pour le show avec tes grands hommes maîtrisés. Oh, j'entends pas là. Voilà. Il est minuit, faut jamais t'attiser. Tenu pour le show avec tes grands hommes maîtrisés. J'ai des plans cul, j'ai des plans C. Nous on veut grouer, touche le point G. Ça kick sale du côté passager. Tu fais le gérant, t'as même pas songé. Aïe, pull up. Les Rennes en vrai, voilà. Mais pull up quand même, voilà. Pour le respect de l'escru, voilà. Pull up. Allez, on pull up ça. C'est pas comme ta voix, on se démerde. On se démerde. Bien. C'est pourquoi les joueurs, voilà. La 25ème, 22h minuit. Hey. Besançon. Le savoir est une arme. Gang. Ça pour équer, père de la nation. Hey. Père de la nation, ouais. Le savoir est une arme. Ouais. Je mangerais bien un tacos là au cas où. Ah, moi aussi. Gang. Pas que ça. Hey. Le savoir est une arme. Tous tes rappeurs sont des pacifiques. Le savoir est une arme. Certains me prennent pour un terroriste. Confession 1 contre 1000. Très énervé. Ave Maria, Painosu. Raison, place, oblivivé. Écrasement de tête dans votre propre jeu. Même à 40, personne ne me freine. Hey. L'union fait la force, limite je me prends pour un schizophrène. Je me présente même plus, à vous de savoir qui je suis désormais. Ils m'ont dit qu'ils vivra, verra, je leur ai dit que j'ai vécu ce qu'ils verront jamais. La brode je l'ai fini, font des barbaries. Mon vocabulaire est plus riche que tout est soi-disant qatari. Ils croient que je manie mal les calculs parce que Sapologue est un littéraire. Ils nous ont divisés, et maintenant je vais les soustraire. Hey. Sapologue. Sapologue. Bitch, prends plus le gobelet. Amène tes potes avec les fesses pour te la elfe, la princesse, mais gobe des bits. Bitch, prends plus le gobelet. Bitch, prends plus le gobelet vite. Amène tes potes avec les fesses pour te la elfe, la princesse, mais gobe des bits. Bitch, prends plus le gobelet. Ouh, prends plus le gobelet. Remplis le gobelet, waouh, remplis le gobelet. Ça faisait un moment que j'hibernais, je faisais tellement de choses, je m'y perdais. Toujours en mouvement perpétuel, à trop vouloir, on en perd pied. Chant que les derniers seront les premiers. Chant que les premiers seront les derniers. Bam. Transition de folie. Hey, bam. On part sur du zouk ou c'est comment? Moi je cherche Braza là, il voulait nous lâcher du peura là. Ok, j'ai repensé là, ok. Hey. Je prends l'instru, c'est pas grave, on s'en bat les couilles surtout. Hey. Radio si. 237, j'ai RDRD Banks, 25K. Hey. C'est trop facile hein. Ok. Écoute ma musique, c'est vital, j'arrive et je passe en finale. Toi t'es bonne comme une latina déguisée, mais c'est pas Mardi Gras. En vrai de vrai j'écoute pas ces putas car c'est des vrais boucaves. J'ai plus d'un tour dans le 104. C'est vrai que leur musique elle est inécoutable. C'est pour mes renois, mes toubabs, mes rebeux, mes chinois et mes nouchma. Je me force pas à sortir les touches car et si je rétis bah c'est dans le tas. J'arrive sur le tas dans la mêlée. Des fois je suis pépélé, des fois je suis un fêlé. C'est avec la technique de Dembélé que ma rage vient la dégainer. Le soin te met des calottes, des patates en tac tac. Et je pars à l'attaque à la chavale. C'est le bazar, c'est carnaval. Je chécras des flammes, touche couler bataille navale. Dans ta paroi nasale, produit de luxe comme les casales. Qui joue sur tes chakras. Mon esprit sincère dans la page. Dans ton sang, dans ta rage. Ouais car c'est ma rage. et je me tue à la tâche. J'intercepte la balle. C'est soit je rétis ou bien je fais la passe. Découpe l'instru à la hache. Je suis pas un zombie, juste d'un mort de faim. Les premiers sont les derniers. Tu frimes trop aujourd'hui alors tu meurs demain. Je souhaite la mort à personne. Si je te blesse, c'est que la vie est violente. J'arrive dans le rap pour faire des ventes. Comme Piccolo, je fais Kiko O. 237, je suis trop haut. Dans la tête, ça bicrave des barres et des kilos. Je veux brasser des vinyles comme le disco. Radio Sud. Ok, ok, ok. Eh, eh, papi. Puris. Ok, Sadi. Eh. Petit, je voulais bouffer le monde percé dans la zig, buté comme Chayem. Je sais ce que c'est de lutter quand sa mère sans bon salaire, sans bon trajet. Trajet. J'ai suivi la route dans laquelle y'avait aucune lumière, aucun réverbère, n'ai jamais trop squatté le show. Bisous mon Dieu pour une trêve, vrai frère. Si tu vois que j'éclate un mec, c'est sûr qu'il a mérité. J'suis dans la paix comme Martin Luther, mais le malin m'observer va vérifier. J'ai lâché des lyrics encore pire que celles de l'armée russe. Rizzo, Rizzo. J'étais de ceux qui restaient improvisés tard sous la Pribus. On a tous graillé dans un grec à 5, mais viens taper ton croc. Noyer nos peines dans un verre à vin. En apnée, en crawl, j'ai des phases à gauche pour les prochains soutiens. Impossible de quitter la cabine ce soir, y'a que des absents qu'on se souvient. Mais les blessures embellissent l'homme, on dit les sages. J'ai essuyé les pages, me suis relevé une deuxième fois. Comprends que je compte éviter les tacles, laissez-moi la méditer, j'ai mal. J'ai pas le temps si tu me pousses à bout, j'ai pas le thème pour les checlards. Une bouteille de rhum pour la route, toujours une goutte pour ce que Dieu me garde. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Pas le temps, pas le temps, pas le temps, pas le temps, pas le temps, pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Pas le temps, pas le temps, pas le temps, pas le temps, pas le temps. Puriste. Chaud, chaud, chaud, les gars. Eh, on est au moins 20 dans le studio, je crois. Il fait 15 000 degrés. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Benderjo officiel. La balistique. Nous avons pris le 5 à ma gueule. Nous avons pris la possession du stud. Qui est chaud? Mon groupe, la poisse. Et que FRS. On est ensemble, Renoir. Garde ta pêche. Ok. 1-1, écoute. Un but, un merde. Un gros but, ça me convient pas. Passe trop doucement, ça. Ça te met un peu de Boomba. On prend le, Oh, mets-moi un but bien, bien, bien, là. C'est trop doux, ça. Ah, Joe, mets-moi un but avec Boom Bap. Ok, ok. On veut du Boom Bap. C'est trop top, ça, c'est jeune, tout ça, pour moi. On veut du Boom Bap, yeah. On veut du Boom Bap, négro. On veut du Boom Bap. Boom Bap, Boom Bap. On veut du Boom Bap, yeah. Boom Bap, négro. On veut du Boom Bap, yeah. Boom Bap, Boom Bap. On veut du Boom Bap, man. Bang bang. Je veux pas de trap négro, je veux du boom bap. Je chasse, je chasse. Ah mon pote, nous c'est les années 90 négro, t'as vu, on a pas vieilli. Nos gangsta. Grosse trap, grosse boss, c'est bon pour le moral. On va tenter ça, on va tenter ça. Mais moi je suis perdu. C'est bon pour le moral. Grosse trap, grosse boss, c'est bon pour le moral. Yeah. Impulsif, il refuse la soumission. Claire molette dans la voix, crash de dans le verre du diable. Même sur un tatami, c'est Chetan qui l'a ficelé. Refuse la défaite, regard vénère. Affirmation des cités françaises. Blocage HLM, deux spies en affaires. Bloqué sur le passé, ses poteaux se sont fait refroidir. Ou ont pris la fuite, déguisé sous la tenue de Tony Michelli. Impulsif, énervé, possédé par ses ambitions. Le sommaire à KE, toujours en jet lag. C'est que le FIF qui adoucit son moral. La farine colombienne a remplacé la féculture. Il tire dans tous les sens, au propre comme au figuré. Motif en descente, le visage balafré. Toujours en course poursuite, ne fait plus ses Doha. Il préfère sentir le pouls de ses victimes. Partir les mains pleines de sang, folie meurtrière. On prend la frappe transversale en cas de coup de chaleur. Plus proche de l'enfer que du paradis. Car dans le vice, on est trop agile. Rap, psychanalyse, soir alcoolisé. Violence urbaine, drame et peine. Sur un radeau de fortune, j'ai vu mes rêves s'éloigner. Paranoïa accentuée, pour réussir, tu ressens l'obligation de tuer, de tuer. Que tu es négro, hey. Hey, gros, ça représente un OP gangsta. IDF, libéré Fares, bon enfoiré. Hein. Moi je fuck tous les gens qui sont négatifs, qui trouvent le bonheur dans la kétamine, ça c'est la vie. Moi je te donne un shoot d'adrénaline, ça c'est la zig, ça fait ma vie depuis mina. On dirait que ça fait mille ans, maintenant je fais le bilan. Je vous montre mes sentiments, mon cœur n'est pas en ciment. Hey. Forcément le cœur grossit en s'aimant en ces temps. Hey. Faut de l'amour, faut de la haine, pour garder l'équilibre. Wow, wow, y'a que le vrai que je véhicule. Oh. Drogue des vérités dans mes écrits. Je transcris ce que j'ai vécu, hey. Toujours sur le ring comme Apollo Creed, hey. Y'a que le vrai que je véhicule, yeah. T'auras que des vérités dans mes écrits, hey. Je transcris ce que j'ai vécu, gros. Toujours sur le ring comme Apollo Creed. J'ai le stylo, j'ai le style, je suis au style, non. À part si tu chéchères, tu me fais béger, j'ai la déterre. Depuis l'éther et toute la terre, même le cosmos, je les visualise. J'ai des alices et tactes que je ritualise. Ma devise, c'est pas de faire des devises. Donc je révise et puis j'avise ma position et mes dictons. Écoute, fiston, te laisse pas fister, ils veulent insérer leurs saucissons. Trop d'omissions et des missions de chakra quand toutes les flammes de mon âme te laissent dans le tracas. Ici, on prend pas de craque, compte pas sur moi. Si t'attendais que je craque en buvette, je me sens suivi. Donc je me téléporte, j'ai fait assez d'efforts. Donc je vais la télé vache et la téléporte. Poto, je fais du hip hop, je suis pas dans les télécoms. J'ai éclaté les codes, j'ai vite fait arrêter l'école. Les petits démontent à l'eau et carlate au gaz de spray. Et je t'explique pas le tableau pour un bon rail de craie. C'est trop cru et c'est frais, je m'en bats les couilles si ça t'effraie. La chronique, ouais, je la défraie, ça te fait de l'effet, t'en fais des frais. En deux faces, ça t'allume, je rappe la lune et puis je rappe le soleil. Pas dans l'attaque, t'en insomniaque qui rappe le sommeil. J'atteindrai les sommets. Les gars ils sont chauds, hein. Les gars ils sont chauds, je vais pas s'arrêter. Il m'a dit stop. Qui veut la bang, bang. C'était fini, mon gars. Oh, mets la prod là, non. Celle d'avant là. Non, celle là tout de suite là, qui passe là. Ouais, ouais, les hello. Celle là, celle qui l'a kické. Non, celle-ci. Celle-là. Vas-y, c'est bon. C'est parti, on envoie. Ouais, ouais. Je me sens comme un fou là, avec mes boutons là. Salut, 2-0, BDRG. La balise. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. BDRG. Ouh. Gore. Sapologue. Balistique, on est là. Balistique. Baza. BLK. Ouais. C'est la BLK. L-U-2-F-Y. Bâtard, je dors pas, je m'assoupis dans la matrice. Aucune de mes armes ne sont factices. Hey. T'es un fils de pute, ta mère est une actrice. Tu tournes dans nos caches comme une factrice. J'ai la 2-3 face, tu jettes l'éponge. On est trois dans ma tête comme les rois mages. Tout ce que vous dites sont des mensonges. Hey. Faire des sous se mettre bien finir en cage. Puis tout petit, une arme dans la boca. Ça te plaît pas, bah ce doigt, tu te le calas. J'ai pissé dans la fontaine en lisant ces fables. Tu me soucies. Hein? Hey, vas-y, hey, vas-y, stop ma gueule, hey, voilà. Hey, envoie la prod, hey, ma gueule. J'ai RD Banks, tiens, voilà que je viens. On veut la côte, du coup, on bosse pour ça. Ça charbonne tout le 4 saisons, on te casse les côtes pour des pesos, masta. Peu importe la raison, la bonbonne, le calibre d'Ala. Hein? T'as vu, elle est chelou. La bonbonne, le calibre. Voilà. Hey, hein? Hein? Hein? Hein? On veut la côte, du coup, on bosse pour ça. Ça charbonne tout le 4 saisons, on te casse les côtes pour des pesos, masta. Peu importe la raison, la bobonne le calibre d'Ala Chop avec Megava. Ce soir, je suis pas à la maison. La bobonne le calibre d'Ala Chop avec Megava. Ce soir, je suis pas à la maison. À quoi hey, à la vie, je vends la mort. Ça débite plus que à Baltimore. Pour mes pesos, à vie, tu mens. C'est pas la bille qui fait le moins. On s'en bat les couilles, déjà qu'a dit. Et encore plus la fin du mois. Hey yo, hey yo, et encore plus la fin du mois. Hey, mais j'ai grossi ma con. Smash. C'est rien, c'est les aléas du direct, les gars, c'est normal. J'ai RD Banks, Banks. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Balistique. On est chaud. On est chaud. Là, j'ai frite ma cons. Tiens. Là, j'ai frite ma cons. Hey. Là, j'ai frite ma cons. Là, j'ai frite ma cons. Hey. Là, j'ai frite ma cons. T'as fait ci, t'as fait ça. Je trouve ça plutôt marrant. Investis, m'a fait ça. Professionnement, trop sale. J'investis ma prochain. La peufra est beaucoup trop hard. Une insulte pour que je passe du coq à l'âne. Le juge est cocu, donc il condamne. Pas du si tu viens ici, gars. Soit tu tiens la sacoche ou soit tu ravitailles. On manie un train de vie beaucoup trop dégueulasse. C'est toi, charbonneur. Vas-y, donne toute la liasse. Ah bon, tu veux pas, on va te niquer ta race. Te fumer comme une barbe en charras. Le guetteur écrit plus, donc on s'arrache. Quand j'allume, ça crépite du bon gras. On se donne ferme ta gueule et puis basta. On se fait des 1-2 comme au Barça. Comme au Barça, comme au Barça. BLK 2-5-0. Les tueurs sont sur tech-tech. Les braves sur le terre-terre. J'ai du bif pour te mettre bien tout l'été. Ce qui te faut, c'est du bon terre. Même en bas quand je vais en garde à. Parle pas de fouki si tu pénaves. 20 grammes dans la conspire, cher peinard. C'est détouré, détouré, c'est tricard. Barreau d'un tueur passé côté capuché, calibré côté passager. Agent, je suis ZF, tu passages. Tous les jours, j'ai la rage. Un croc dans mes bas, je peux pas partager. Sombrero, petit bon, je la mets ras du sol comme mota. Au feu rouge, je mets tempête à deux motards. 350 chevaux sous le capot, gros moteur, gros tas, belvédère, on est tous mineurs. On vit la vie des grands. comment surveiller vos sisters. Quand la détaille chez la babysitter. J'ai fait nappe avant hier, passera à 6h. Des détailleurs qui coupent la bombe au ciseau. Des contacts de dents récemment vus en visio. Les lobes, ça sont tous dans le viseur. Viseur, viseur. Viseur, viseur, viseur. Switch, switch, switch. Bande de buts. Switch, switch, switch, switch, switch, switch, switch. D'accord. Hein. Qui a envie de poser un petit bail? On change d'ambiance, on change d'ambiance. Ouais. Moi, je prends sur du bebop, hein, au cas où. Hein. On essaie d'en donner pour tout le monde. Du boom bap, hein. Comment, chef? Wesh les trappeurs, ça taquine hein. Ok, radio, radio. Si, si. Arrêtez les chiens, si, les frères. On l'a dit large. Le DRF, Sinza, tout le monde est là. On est chaud. Tu connais. Non. Ok, écoute. Non. BZVL, on foire. Oh, non. Hein. Niggas. Hey. Par chez nous, les émotions se canalisent avec du fif, des sourires. Même en reste, on partage 50-50. Génération 90, la virgule entre les étoiles. Trop vif pour tomber dans la poudre. On navigue dans les fournaises du diable, que Dieu nous garde. J'ai vu trop de frères passer à table. J'ai rangé ma bannière blanche pour qu'on place au festin. Morale dérangée, ambition d'enculé. Ni karma, ni destin, hey. Des cagoules, un fusil sous la table. Hey, je vais pas te faire un dessin. Par chez nous, la nostalgie glace le centre. De frères enfermés, trop de frères décédés. Trop de frères emmurés. Les darons pètent un câble, elles ont le moral en berne. Négro, elles encaissent les coups, les décès, les incarcérations. Par chez nous, kaké ezobétam, voula ezonyoka, mastayoka. Criminel par obligation, pas pour la starification. Les nuits écourtées par la paranoïa, les perquisitions, les règlements de compte. Voir les années passer et voir ses potes tomber. Écoute, hey, c'est LEN m'amène, enfoiré. NOP gangsta, hey. Libéré Resfa. Si, si. Okay. La 25e, mon pote. 22h minuit, c'est chaud. Tu me mets des trucs à l'ancienne, on va tester. Vas-y. C'est chaud, mon pote, c'est chaud. Ok. Edinho. Malheureusement j'ai plus de mère, y'a plus que mon père et mon frère. En manque de repères, mon esprit erre, je suis plutôt du père. Les belles sapes on aime ça, le million veut ça. Descendants d'esclaves, on veut l'or et la place du roi. J'ai cherché des placements pour faire l'oseille, butiner la ruche comme une abeille. Mon corps est en perdition, avec mon cœur j'ai fait sécession. J'ai vu des schlags, des sinus plongés dans la poudre. Beaucoup de gens sous peuf ont pris la poudre, même avec leur sang ils peuvent en découdre. Plongés dans la rue on se serre les coudes, ouais. Disons qu'on aime ça, 4, 5 silos ça. Personne vous cala, là, ouais, ouais. Personne te cala, ouais, ouais. Personne te cala, donc t'as voulu faire parler de toi. Ouais, si ouais. Je fais du sale, c'est pour la mama. Ouais, pour la mama, toi tu l'as fait pour faire la mala. Faire la mala. Pour faire la mala, calé dans la caisse avec tous mes gavas. Avec tous mes gavas, on a pris la C direction Palavas. Direction Palavas, déterre dans le bise. Tout comme Beyoncé, on lâchera pas l'affaire. Négro, t'as renoncé. Tout était écrit dans l'énoncé. Les portes du succès, je vais les enfoncer. Yo, j'ai besoin d'espace, pour ça j'ai besoin d'espèce. J'espère y arriver, je transpire, je laisse faire. J'ai trop d'envie qui me torture. Je te redonne et je n'endors plus. Moi je n'aime pas les impostures, c'est impossible. Pour rester droit à mon gars, moi je bosse dur. Y'a mon gars, moi je bosse dur. On a beau se dire que tout est du talent. Non. Sans... Travail mec, à quoi tu t'attends? T'as le Glock qui est posé sur ta tempe. Gros, faut faire tout pour remonter la pente. T'as le bonheur, apportez-moi l'espoir, m'apporter. Je veux tellement m'en sortir, moi l'histoire m'apporter. Tout est une question de volonté, yo. Tout est une question de volonté, yeah. On pourra jamais te loter, yeah. Sans ça mon gars t'es monoté, yeah. Qui veut d'une vie monotone, ton. On s'adapte hein. Chaud, chaud. Si. Bouillant. Il est 23h30, il nous reste une demi-heure, les gars. Bon, au niveau prod, on a fait ce qu'on a pu. Hein. On a fait ce qu'on a pu. Les gens, ils s'adaptent, ça fait plaisir. Vas-y, on envoie la suite. Yeah. Ok. Yeah. Oh. Wesh les mecs, t'es mal à tech. Sois sûr de toi si tu m'attaques. Tu piches que je kick, je te le rappelle. Sacha O sur le hashtag. Aïe. De soirée, je finis la taille. J'ai de la peufra sur de la trappe. Tu veux bouffer dans mon assiette, faudra des chats, t'asseoir à ma table. J'ai de la salle du temps, je ne fais que m'entraîner. Je vais foncer dans le tas, j'arrive sans freiner. Ceux qui voulaient me voir enterré, on met le dernier clip sur l'écran télé. J'arrive en tac-tac. Au bord du navire, je suis avec Ragnar. Avec mon équipe, on joue collectif, tactique à blaga. Je contrôle mes chakras, mes démons. J'ai cherché l'heure dans la paix. On vient d'en bas, on va t'aimer. Ouvre-moi la porte, on va t'aimer. Ouvre-moi la porte, on va t'aimer. C'est la 25ème, mon pote qui est chaud. Ils ont mal parlé des rampes, je mets des grosses volées. Je suis Tijan avec toi, tu fais le fou, on t'a tout volé. Les mains dans les poches, mon regard les surprend. Capuché, une dégaine de charbonneur. Le teint marrant cava, le soir même tu trop. Trop d'insolence, réveille des excès de violence. Tu fais ce qui t'es gars pour des folas. Je suis vrai dans mes textes, fais pas l'ancien. Je te raconte mon vécu, je vais pas dire que j'ai tout vu. Sur le port à contrôle de port, c'est la garde à bas dans la tête. Et je suis sûr qu'il n'y a pas de pare-balles. Ça joue les chauds, nous on reste calme. Nos yeux coupent à présent dans notre son calme. La gueule drop pas sur nous, pourquoi cavale. Si t'es une pute, tout dans ta bouche et puis t'avales. Guerre à deux balles, te crois pas dans une bataille navale. Arrête de raconter nos vies, rap la tienne narval. Tiens pas. Posé dans le bâtiment, viens pécher ta dos gentiment. Pétasse, pourquoi tu mens? On s'est à tourner dans tous les bâtiments. Là, ça débite plus qu'à bâtiment. Tu prends gros, tu ma gueule, pourquoi tu mens? Y'a pas de grand Dieu, tu prends votre tout gémant. Baisse le ton et parle tranquillement. Dans le terrain, je mets que des buts. Et c'est radio à la passe des t'aspects. Garde tes sentiments, je m'occupe de ton tarpé. Toujours dans le bâtiment, ça vend des rêves, ça vend de la mort. Et touchant tu peux du bâtiment, tout le quartier t'es nique, t'es mort. Ah, tout le quartier t'es nique, t'es mort. Et j'ai l'air des banks, ma gueule. Tout le quartier t'es nique, t'es mort. C'est du Radio Sud, ma gueule. Vous êtes chaud ou quoi, les gars? Ouais. On a pris possession des lieux. Je te la pull up, celle-là. Vas-y, c'est parti. Radio Sud, 101.8. Théo 2S. Ça bouge pas. Y'a du monde dans les studios. 2-5-4, 2-5-4. Ça fait plaisir pour la première. La balistique, la balistique. Négrito. Je fais pas ça pour des vues, non. Ma bite, mec. Je fais pas ça pour des vues, non. Ma bite. Pas pour des vues. Pas pour des vues. Les présidents, ça arrive bientôt. Je fais pas ça pour des vues, moi je veux kicker, plier la prod jusqu'à la dernière minute. T'as pas de buzz, t'es déçu, à t'écouter, t'as tiré, t'as mytho, t'as braqué, c'est sûr. Les pauvres, ça c'est sûr, j't'allume, allumette avec essence dessus. Je suis le même depuis le début, à cette époque t'étais où hein? Laisse-le parler. Ah putain, sa mère, ah. Coute, c'est ma langue dessine, je veux tout prendre, te fais pas de dessin. Je vais skill plat pour manger le dessert, on se cabosse avec les insignes. Coute grosse, j'ai les yeux plissés, charbon sous ces air pistés, des ex aux cheveux lissés. Moi je préfère les cheveux bouclés, dans le sac à dos, les armes à torque. Le Niax bien calé, en vrac, chabonneur comme Mork, il fouille mais y'a rien comme d'hab. Mon gars, tu fais quoi ici? Je t'ai dit que j'allais repasser. Les derniers à tu par bande de bras cassés, on vend du rêve tous les jours, du bon gras, d'une joie à la dose, tu peux peser le tout. Transac en balle, bien joué, le PJ t'enflamme, t'avoue. Lui c'est une pouque qui t'a vu, soldat obéi. Au garde à vue, toujours abonné au garde à vue. Petite briquet gâteau lu. Petite briquet gâteau lu. Je fais quoi, j'enchaîne? Enchaîne. Vas-y, on enchaîne un peu. Je sais pas si on entend bien. On se démerde. BDRG. Bon, ça c'est une prod à moi de 2009, ça les gars. Avant je faisais des instrus. J'ai retrouvé ça au fond d'un tiroir. Donc s'il y a des gens qui sont. Qui sont, tu vois. Mon pétu. Ok. Mon pétu. Ok. Ok. Yo. Ok. Du la côte sans nos tarpins chauds. M'barre les coups des rageux, tout est facho. 237, on a le sang chaud. Appelle Vegeta si tu veux pécho. Le game je le tue avec ma prod. J'ai fait les choses bien, c'est pas de ma faute. Dans la vague, rien que ça compte. Compte, avec sa bédame. Hey. J'ai baissé ta mère et ta soeur. Je m'en bats les couilles quand ton père bande. C'est quoi c'est la star qui prend des basseurs. Des gaines de chargeurs, des fachos, de PD. Je suis choqué, c'est PD, c'est prêt pour des bogos. Alors qu'ils sont pires que mes gomans. Que mes gomans. Hey, hey. Yo, hey. J'ai d'air des bangs. Qui t'aime, mes gomans. J'ai d'air des bangs. Oh, la balistique, okay. Radio 237. Okay. Écoute ma musique, c'est magique. C'est magique. Car dans le cosmos, je gravite. Je gravite. Si je t'appelle vraiment, je sais que tu rappliques. Je rappe de mieux en mieux. Car je m'applique, ça va clipper. Sortez les bécanes, sortez les locaux, sortez les pétards. Aujourd'hui, tout le monde se met à bédave. On n'est pas couché, on va rentrer très tard. Jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à l'insomnie. Si je te dis I love, c'est à la folie. Je suis rabat comme dans une rêve partie. Laisse tomber Hélène, laisse tomber Caroline. C'est sûr que j'allume un feu de joie. Qui peut me rattraper si je fais un faux pas? 237, on a la mentale. J'ai l'espoir lié sur nous, ils sont trop lamentables. Un, tu lèves tes majeurs, gauche, droite. À deux, tu mets des patates, gauche, droite. À trois, virages en buvette, gauche, droite. À quatre, serre balayette, grosse baffe. Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Un, tu lèves tes majeurs. Gauche, droite. À deux, tu mets des patates. Gauche, droite. À trois, virages en buvette. Gauche, droite. À quatre, serre balayette. Gauche, baf. Gauche, droite. Gauche, droite. Ils sont chauds, ils sont chauds. Gauche, droite. On dirait ma vie. Aïe, aïe, aïe. Show, show, show. Balance le produit, frérot, ça sourit là. Frérot, ça sourit. On va envoyer, on va envoyer. Sazori, si tu nous écoutes, tu vois. On va passer tes prods, ma gueule. Bah ouais, sous la demande des Digno, tu lui précises, t'as capté ou quoi? Demande des Digno, demande spéciale. Non, mon gros gars, ça serait, c'est bon, ensemble. Ouais. Attends, attends, je cherche ça. Je connais. Tranquillou. On va trouver, on va trouver. Je crois que ça. C'est énervé, ça. Y'a quoi? Je sais pas, je vais mettre ça, je vais mettre ça. Je suis pas sûr, je suis pas sûr de moi. Gauche, gauche, droite. Non. Je suis pas sûr de moi du non, tout. Non, c'est pas. T'as raison de pas être sûr de toi. Pas sûr de moi du tout. Ça, elle est sale, elle est sale. Hein. Ça, c'est un petit dissi aussi. Plus de rythme, wesh. Un truc à Sassori, cousin. Le DRF, les élèves crew. C'est Nerkiz. Le DRF, on leur montre c'est comment. Cher. Montre-la, montre-la. Hey, tu crois pas que je rêverais de me barrer d'ici? Et les tasses plein qu'on est le sang glacé, marre d'entendre les cris à 3h du mat, qu'on les tourne des barres pour calmer le voisin qui prend de l'acier. Mais Dieu merci, j'ai mes projets. Toute mon équipe qui est là pour y croire. Niqué pour le work, on sert avec Josman. Tous ceux qui me soutiennent étaient là pour m'y voir. Je fais grimper le thermostat comme Chao. T'inquiète, ici les gars, va sont sérieux. Ils nous ferment les portes, au cas c'est serrure. Le taf est propre, mais faire du sale pareil que c'est mieux. Je vous emmerde, vos critiques ne mèneront nulle part. Je préfère rester moi-même plutôt que d'opérer comme la plupart. Tu sais pas d'où je viens, c'est moi les poumons morciers. Par les usines en face de chez moi, je suis parti d'en bas, je suis très pour le top mentalité. HLM, y'a pas d'autre schéma. A 220 au pass à 6ème, buzz à 36, ça fait pas tant de route. J'ai qui sont mes frères, je sais qui sont les vrais, mais putain, pas ces fois qu'ils servent tout de part en doute. Écoute, la passion, mais mon cœur est froid, y'a plus de choses à faire. Et si t'aimes le luxe et que t'aimes l'argent, bébé, toi et moi, ça fera pas l'affaire, non, non. Je pense à Lio qui m'a dit, fais confiance à personne car tout est faussé. T'inquiète, frérot, j'avance qu'avec l'ivraie, je compte bien laisser mes traces en même temps que je vais les effacer. C'est comment? On n'a pas les mêmes génies, pas les mêmes pros. Tu n'as pas les mêmes débits, tu n'as pas les mêmes doses. Pas le même sadisme, pas le même génie. T'aimes trop la rue, elle t'offrira pas de rose. Les doses veulent encaisser, c'est sale. Pour un rappeur, le discordeur, c'est le graal. Et on pète une vitesse qu'on sourdit dans la tête. La flic à New Piste est cramée dans la caisse. Hey. Aucun frère, aucun coup de main, aucune aide. T'es pété sur le corner avec ton joint, ton ghetto rape. Pour un plafond, on est hal, on prend le billet, on coffre dans la malle. On veut la richesse, balèque de ta princesse, ouais, on est le process. Que du sale, ils ont sorti bon père que pour gonfler les pecs. J'lâcherai pas le steak, je leur fais mal. On sort les xédo, on sort les calaches, c'est lyrical. J'ouvre le bal, hey, fin de soirée, j'embarque tous, ils sont les ouais. J'suis dans le peura, faut que j'arrache tout, j'suis dans les ouais. Ben ouais, l'instru, elle m'en sort seul. Ben ouais, chez moi, on s'en sort seul. C'est pas sarcelle, mais y'a le matos dans les cartels. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, yo. Hey, j'ai mal quand je vois l'état de nos amours, quand je vois l'état de nos mères. Elles ont les mains pour l'armée, elles ne sont que dans la merde, yo. J'ai mal quand je check les hommes, armes les mamans. Ça respecte plus rien, non, non, ils ne veulent que des sommes, on est que des hommes. Mais l'ami, il y a des limites. Même quand tu sais, j'ai des liquides pour du liquide, combien ils en ont liquidé. Ouais, tu peux compter en milliers, non, tu peux compter en millions. Tellement de types humiliés, tellement de types humiliants. Bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay. Hey, hey, hey, maman, moi j'ai mal, waouh, waouh. Les gars, moi j'ai mal, waouh. Quand je suis conscient de ces malheurs, hey, ils ont perdu toute leur valeur, hey, hey. Maman, moi j'ai mal, waouh. Les gars, moi j'ai mal. Quand je suis conscient de ces malheurs, hey, ils ont perdu toute leur valeur. Bay, bay, bay, bay. Bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay. Wesh, c'est Kik. C'est Kik, Kik, Kik là. Hey. 25e, mon pote. Encore 20 minutes. On est toujours là. Merde, j'ai remis la même que tout à l'heure. Mais vas-y, on s'adapte. On s'adapte. Chaoui est arrivé. Ou la darkitude comme d'habitude. Trop de magnitude, mon attitude n'est pas si pure. Je lis dans ce système comme dans un fascicule. Ils veulent nous laisser en chien, qu'on passe de l'habitude à la pilule. J'ai fait du mal, mais je suis pas malfaisant. Partout où je pose les pieds, c'est comme si je marchais dans une flaque de sang. Avec tout ce que j'ai dans la tête, c'est pas facile, je me canalise. Si je t'énumère les faits, tu me foutras à l'asile. Je me la pète des spocks du skateboard où ça plaçait des dunks. C'est mieux que l'époque où toute la journée ça se plaçait des rodkas. Je reviens du futur, je te débunk, je m'appelle Trunk. Je suis devant cet aspect, mais j'ai oublié mes podcasts. Tu veux savoir mon nom? Fancy shit et vodka, tu dis que c'est des shows. Mais c'est bizarre car je les trouve oh je calme. C'est bizarre car je les trouve oh je calme. Si si. On change d'ambiance, on change d'ambiance, toujours, toujours. DJ Chao, aïe aïe aïe. Un faux DJ, hein. DJ Chao. Un faux DJ. Je tiens à dire que Junes est mon binôme, il m'a totalement laissé tomber. Je suis tout seul derrière les manettes. Ok. Hey yo. BDRG. D5K. Ah, on sait pas, peut-être y'a un bout qui va rappeler là-dessus. Jusqu'à Baltimore. Hey. On veut la côte, du coup, on bosse pour ça. Oh. Pull up. Hey yo. Ouais, recule-toi un tout petit peu. Voilà, bien joué. Hey yo. Ça débute plus qu'à Baltimore. On veut la côte, du coup on bosse pour ça. Ça charbonne tous les 4 saisons, on te casse les côtes pour des PCOS Master. Peu importe la raison, la bonbonne le calibre dans la chop avec Megava. Mais ce soir je suis pas à la maison. La bonbonne le calibre dans la chop avec Megava. Ce soir je suis pas à la maison. À quoi la vie, je vends la mort. Ça débute plus qu'à Baltimore. Pour mes PCOS, à vie tu mens. C'est pas la bille qui fait le moine. On s'en bat les couilles, déjà qu'à 10. Et encore plus la fin du mois. Et encore plus la fin du mois. Posé dans le bâtiment, viens pêcher ta dos gentiment. Pétasse pourquoi tu mens, on sait que t'as tout d'un. Ça débute plus qu'à Baltimore. T'es pas en gros, c'est ma gueule, pourquoi tu mens. Y'a pas de grand ou de type en retouché, mens. Baisse le temps et parle tranquillement. Dans le terrain, j'ai mec qui débute. Et c'est radio à la base D. T'aspect, garde tes sentiments, je m'occupe de ton tarp. Toujours dans le bâtiment, ça vend des rêves, ça vend de la mort. Touche un petit peu du bâtiment, tout le quartier technique, t'es mort. Ou dans les cellos, ou dans les sachets, j'abonne à la fuque, l'un des que passer. C'est de la qualité, ne me dis pas c'est passé. Je fais les comptes, je vois que c'est pas ça. Je me demande bien où le reste est passé. Si t'es mon ex, tu restes mon passé. T'es pas à jour, ton temps il est passé. En plus, t'es pas bon, vas-y, laisse ta place. Posé dans le bâtiment, viens pêcher ta dose gentiment. Pétasse, pourquoi tu mens? Ça y t'a tourné dans tous les bâtiments. Ça débite plus qu'à Baltimore. T'es pas un gros, c'est ma gueule, pourquoi tu mens? Ah, si, si. Y'a pas des grands ou des types d'hommes. Baisse le temps, il parle tranquillement. Hey, TGDR des Banks, c'est du Radio Sud, man, nigga. On va calmer un peu, on va calmer un peu. Qui a un bail? J'ai pas trop de trap, donc je vais m'essayer un peu. Si, si. Bah vas-y. On s'adapte. Hey, écoute, négro. C'est le N, BZVL, NABIL pour les intimes, bande d'enfoirés. Eh ouais. Écoute, NOP Gangsta. Eh ouais. Yo. À ce qui part, on est tous restés solidaires. Hey. Ah merde, écoute, man. Excuse. Je vais reprendre, pull up, doucement. Pull up. Ça, c'est reparti. On est toujours à Radio Sud 101.8, radiosud.net. Big up à tous ceux qui sont là ce soir pour la première, ça fait plaisir. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens. Je connais mon frérot, on est si, là. Si. On a réchauffé le bail. Si. Chaud! À ce qui part, on est tous restés solidaires. D'après ce qu'on s'est promis, mais combien retourne leur veste? Mais combien retourne leur veste? Combien? Négro, je pars en improvisation. Je perds mes deux clés. Négro, j'ai pas grand chose à dire. Je nique le micro. Je nique le micro. Gros, vrai gangster de la night. Vrai gangster de la night. Tiens. J'suis pas un blablateur. Non. Range ta putain de trap. Hey. Vrai mec du zoom, mec. Hey. Braza, tu me reconnais. Cagoule et capuché. Fusil, je vais t'allumer. Je fais de l'impro pour baiser ton peura. Négro, dégage de mon bâtiment. Tu parles trop, tu sors les femmes dont t'es peu clean, négro, t'es qu'un comédien. Je suis un vrai mec de la Tessie, gros. Jamais tu me verras dans tes tibos. Négro, je reste discret, man. Je dis de la merde et je t'emmerde. Je m'essaye à la peutra. Ferme ta bouche, t'es un bâtard. Je viens de Brazzaville. Je rappe pour mon frère de Kinshasa. Négo représente ça. Écarte-toi de mon chemin, bâtard. Gros coup de bâtard. Automatique, tu meurs. Je me lève sur les rues de ma ville. Je pense assez au ciel qu'on a vu partir. Coulant Clio, pas d'Aston Martin. Je rêve du million, compter les thunes par mille. Pour l'instant, je dis en passant. Si le bonheur m'attend, j'ai perdu patience. Percé dans le rap, signer des contrats. C'est pas pour moi, ça reste un passe-temps. Je suis dépassé, choix des petits frères. Bloqué sur le terre-terre à refourguer la planche. La conseillère nous a orienté vers un arbre où il y avait pas de tranche. Dorénavant, je vais de l'avant. Quand sourire devant monsieur l'agent, tout est en règle, c'est embarrassant. Il regarde quand même d'un air menaçant. Tous coincés dans la salle d'attente. Faut faire le carcage jusqu'à sa chance. La rue te regarde d'un air attachant. Tu verras, ça change. Quand c'est ton pote qui passera à la barre. Quand c'est les bleus qui retourneront la cave. Quand les soucis s'inviteront à ta table. Quand t'auras tout perdu sur le macadam. Une raison de plus pour pas briller. Oh merde, j'ai oublié mon TXT. Mais t'inquiète pas, moi je vais rester. Improvisation, ça on connaît. Tu sais, je suis chaud comme sous le bonnet. Je peux faire de trous dans mon bonnet. Si tu parles mal de la madre, si tu m'as mal du padre, repose en paix, tu connais ça. C'est comme ça je représente Noise. Je suis à Radio Sud avec tous mes gars. Ce soir, t'inquiète pas, on fait des dégâts. Tu m'as vu jusqu'au beau dégât. Tu m'as vu jusqu'à la Roja. Avec Puriste et Rizzo. Toute l'équipe, les mecs du ghetto. C'est la 25e enfoiré. Même à la campagne, on fait du rap, bande d'enfoirés. C'est reparti ou quoi? Là, c'est du bebop pour les anciens. C'est ça les vrais bails, enfoirés. Ça fait plaisir. Il est chaud. La 25ème. La prod est lourde, 16 mesures. Allez, arrêtez, Z, papi, pull up. Si. Écoute ça. Les gens sont chauds, ils partent comme ça. C'est là, hé, gros, c'est spécial. C'est pour le papi, le papi. Ben, RTZ. Hey, écoute. La prod est lourde, 16 mesures, allez à tes aides, papi. Jambes de bois avec des lyrics d'acide. BZVL, aka Braza. Dévastateur comme l'ouragan Katrina. Noir et ben, les yeux rougis par les carrettes vives. Sombre et déter, tu peux demander à Hardy. Braza, c'est pas Paris, New York ou Brooklyn. Mes couloneurs se trouvent à mon sirène pour pouvoir manger. Noir et vierge, rien d'étonné. Violent comme les déclarations à Assange. Négro, j'perds mes phases, mais je reste dangereux. En direct, c'est pour Ok, passé temps pour faire le vent des globes. Mon rap il sort du beat comme un ventriloque. N'attends pas d'antidote. Attends que je m'isole, je vais salir l'antipop avec l'accent de l'ivrogne. Collé par la brigade anti-drogue. Envie de mort pour une cave remplie d'or. Pas de titane dans mes anticorps. On mâchoure à moi de love en niquant l'antivol. Pour m'en sortir, ben je n'attends personne. En danger de mort pendant que t'attends les ordres. Près du four alors Satan rigole. Avant de parler mal bolo, Satan que je m'isole. J'aimerais bien me voir devant un champ de pirogue. Mais dans mes projets y'a comme un vent de discorde. Arrêtez les courbettes, j'suis pas un gentilhomme. Avec un échantillon de zep, j'te fais un banc qui cogne. On a troqué nos sirops de fraises contre de la vodka pomme. Méfie ton bloc, ta porte, kick Sarko et vodka pomme. J'suis pas de ces mécréants qui votent Sharon. Je m'appelle Arnaud, mais je mange pas de porc salope. Dans les allées où je traîne, ça sent la mort. Avant l'âge d'or, cousin, ça vend la drogue. J'ai des têtes qui te mettent au sol, balrog. Touche à mon frère, je te bute, à ma parole, ça fiote. Puriste. Vas-y, je vais changer, je sais pas ce que je mets. Attends, Chao. Est-ce que tu m'entends, Chao? T'entends. Chao, tu m'entends ou quoi? Je te reçois. Apparemment, la prod et puis le couplet d'RTZ dont a chauffé les boucles. Il redemande la prod. Et il y a Lio qui s'est approché du mic. Donc remets cette prod vite. Vas-y, c'est reparti. Big up Resco d'ailleurs. C'est ta prod, ça. C'est cadeau. Resco on the beat. En deux, en deux. Oh. En deux, en deux, ok. La 25ème, frère. Ok, je viens avec un flow que pour vous n'est pas approprié. Au lieu de vouloir jeter le taka, les levées pour prier. Négro trié sans crier, tous ceux qui pourraient vous oublier. Je deviens chien, comme la vérité que tu peux pas. Je les soulève, t'es impressionné, comme un aller où. Allez hop, laisse juste pour toi, tu crois aller où. Pour le goût, je pose salement, demande à Salomon. C'est seulement sa polo de frapper un peu plus doucement. Ok, je rappe pour le million, impressionner des milliards. Les ennemis sont des milliers, Buzak la terre du milieu. Tu sais que je veux t'humilier, donc commence par des alliés. On kick tous tes alliés, même ceux de la pire des banlieues. Hein, être le meilleur c'est le minimum. Ce sera le meilleur pour le minimum. Et pourquoi pas péter le million. Hein, il faut tout prévoir au millimètre. Minimum. Faut leur dire, être le meilleur, c'est le minimum. Ce sera le meilleur pour le minimum. Next. Pourquoi pas péter le million. Ok, gore, c'est comment. Il faut tout prévoir au millimètre. Hein. Je sais pas, mais on improvise. Frère, je suis plus à l'école ni que le proviseur. C'est pas grave, gros, le mic, je l'ai dans le viseur. Frère, je suis glacial, un peu comme Freezer. Nique sa mère, tu le sais que je me promène. On est à l'en kick avec les collègues. Je vois loi, ils se promènent le pollen. Mais c'est pas grave, mec, tu le sais qu'on est poli. Nique la police. Ah, on est à l'. Je vois trop de frérots bourrés sous alcoolisme. Ah, nique sa mère, je me balade sur la prod. Donc, tu le sais que je te donne ta dose 1. Hein. C'est normal, on fait le truc, on nique des tympans. Tu vois le truc, mec, le travail, le talent, il se travaille. Mais c'est pas grave, je me suis fourré dans un merdier. Et c'est pas grave, je suis pas le premier. Bang. Chaud. Chaud. La 25ème, on est toujours là, il reste 10 minutes. On va essayer de d'envoyer un truc. Je sais pas, hein. Est-ce que je t'envoie un bail comme ça? Ya. Lio puriste. Lio puriste. Il arrive toujours à la fin, lui. Ya. C'est un malin. Ya. Chou. C'est la 25ème, tous les jeudis, 22h, minuit. Toi, je veux dire ou pas. Tout est dit, puriste. Puriste. Auréole absorbée par la capuche. Irréel la gorge et soigne ma caboche. Ya. Auréole absorbée par la capuche. Irréel la gorge et soigne ma caboche. On t'a moche si tu viens faire grabuche. Les témoins t'accusent, tu mérites la taloche. Évite la galoche car elle a trop paluche. Un très gros baluchon, videuse de baloche. Vicieuse et pas moche sur ta blanche, fais de la luge. J'ai te fait viser sa lune à quatre pattes dans la loge. Loge, logique, on les écrase, on les mécras sont trop lèches. Je rappe sous extraction de pollen. Pas besoin d'estrade, on te moleste. On dégrade, on proteste, on fait le taf, on progresse. Ça fait croire qu'on dormait. Avancer les projets en sous-marin. Goûte ce qu'on a concocté à l'écart de mon côté. Avant que l'électro, mets dans le four, gamin. Lio puriste. Tu restes mon passe. Demande tes fesses et puis passe. Demande tes fesses et puis passe. Tu restes mon passe. Demande tes fesses et puis basta. On veut du but que les bastos. Mange dans le classico pour le Barça. Tu me dis le rap c'est ta passion. Mais négo quand tu rap c'est pas ça. J'ai mélangé les trois potions. Tiens. Tu restes mon passe-temps. Tu restes mon passe-temps. Tu restes mon passe-temps. Tu restes mon passe-temps. Tu restes mon passe-temps. Donne-moi tes fesses et puis basta. On veut du bif et les bastos. En jouant le classico comme le Barça. Tu me dis le rap c'est ta passion. Mais négo quand tu rap c'est pas ça. J'ai mélangé les trois potions. J'ai renversé le tout avec la massa. J'suis pété dans le S3. Mais négro t'es où j'te vois pas. Mais faut que j'aille à me d'a récupérer du thé chez de la coca. Faut que tu payes cash. Sinon te laisse un coca. Mon équipe est au car. Là on vous entend au calme. Hey, j'ai des RD Banks dans le Banks. Ça débite plus qu'à Baltimore. Ça débite plus qu'à Baltimore. Ça débite plus qu'à Baltimore. Beaucoup de soirées. Négrito. beaucoup de soirées, de fesses invitées. Je dois mon ivresse dans des festivités. On se match en défesse, on est presque excité. J'utilise la tapote en cas de nécessité. Critique, critique, on est là, tu paniques. J'aime pas l'amour, encore moins Titanic. Les chiffres d'arithmétique m'aident à compter les vides. La nuit, je compte mes ennemis dans un sommeil troublant. Elle me parle d'amour, rien de plus bidon. Pour des fesses en plastique, et pop serait cupidon. On tourne en rond, mais le business est carré. Elle veut devenir ronde, les gars, je vais la plaquer. Différentes cibles pour différents buts. Si t'es pas dans l'iPhone, c'est que t'es ma. Si t'es pas dans l'iPhone, c'est que t'es moyen. Si t'es pas dans l'iPhone, c'est que t'es ma. Mon plat préféré, à loco, à checker poisson maillot. Et pour la boisson, j'appelle le chrono. Je mélange la vodka à l'arrêt de bus. Je traîne vers le bas à l'arrêt de bus. Entraîné par de vrais crapules, on t'éliège pour les frères qui purgent. Hein? Entraîné par de vrais crapules, on t'éliège pour les frères qui purgent. Hein? De 5K. BLK, BLK, chaud, chaud, chaud les mecs. Il nous reste 5 minutes, il nous reste 5 minutes. Banks. Les 5 dernières minutes. LU2F, balistique, j'ai des RD Banks. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah ouais. De toute façon les gars, ça va être simple, vous serez tous invités. On va faire des émissions bien. Vous êtes dans la gauve. Est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds? Vas-y. Hey. Est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds? Hey. Yo. Hey. Hey, investis, hein. Hey. Posé dans la gauve avec radio ça défonce. On la grille, de toute façon c'est une location. Mon petit l'alcool donne jamais la réponse. Oui ça permet d'oublier la question. Flow high tech, nouvelle option. Y'a pas de high check, faut payer la caution. Payer la caution. Y'a pas la... Non, en vrai les frères. Renan Capuché, cuisine la coca. Y'a de la CF et de la rabla. Go face de taille se fait au calme. Et l'U2F jamais rabatte. Ce que l'on veut c'est des millions de côtés. Augmenter le level, lire la notice. Pilon, je brasse à mort, pas de point de côté. Dans ma bulle, je fais les comptes comme un autiste. Aucune de nos armes ne sont factices. AK-47, c'est le manier. Méga D, je mets ton corps dans le panier. Et si tes larmes sont pas ce tri, dans ma main, y'a son gustry. Dans l'argent sale, c'est l'industrie. Dans l'argent sale, c'est l'industrie. C'est l'industrie. Edinho, Edinho. De 5K. Est-ce qu'on switch? Est-ce qu'on switch? On va switcher. Ça, je l'ai déjà mis 20 fois. Mais celle-là, elle pète, là. Hein. Vas-y, hey, on a un ça. Un peu d'impro pour toi, négro. Hey. Hey. BLK. Un peu d'impro pour toi, négro. Un gramme de ce fort, je suis dans le bendo. Elle casse la démarche, elle est trop chaude. Mes gars vont lui faire des trucs cochons. Prêt pour la guerre, pas la potence. Je t'allume ta mère à bout portant. Elle est maquée, peu d'importance. Un peu d'impro pour toi, négro. Un gramme de ce fort, je suis dans le bendo. Elle casse la démarche, elle est trop chaude. Mes gars vont lui faire des trucs cochons. Elle est prête pour la guerre, pas la potence. Je t'allume ta mère à bout portant. Elle est maquée, peu d'importance. Une fois que c'est fini, ça recommence. Une fois que c'est fini, ça recommence. Elle a le coup de foutu à 100%. Les keufs débarquent, je suis à Houston. Elle danse ce que je fais, je suis un pur sang. Dites pas que c'est l'instru qui est violente. Je casse l'instru, ta meuf en deux. À peine une minute, sa mère en deuil. Flotte au bresson, c'est la base. Je tourne en rond, mais c'est carré. Je vous épouse que vous êtes pas prêts. Talent précoce comme Mbappé. Tu tapes dedans, on la bique grave. Dans le carrosse, 52 FM. Parle de son ex, moi je vais l'assa. Une belle ivoirienne pour la noche. Et puis une galsienne pour la vida. Une belle ivoirienne pour la noche. Et puis une galsienne pour la vida. Qui prend la suite? Qui prend la suite? Negrito. Allo, oui, oui. Edinho. LU2F. Dors. Passe en. Et en une. Mets du jus dans mon gobelet, les allées, je les baisse, ils me volent, on parlait. Au comico, j'ai perdu ma langue, le PJ sert du cul, ils sont en gars. Toute la vie, je suis vénéré, trop gay. Arrête à Malaga, on a la moula, ne t'en fais pas. Ta balle, c'est perdu, on t'en rendra, on te fracasse ta mère si je suis corda. Je suis noir et blanc, et je me sens nord, pas pour autant que j'aime pas le plan. Combien dans le game ne veulent pas me voir. Si on règle vos comptes, on prend 30 ans. Braquage ou comme budget, ça pas faire, tu prends du Zeyo quand tu rodcas. La clope est taille démélangée dans la massage, j'accepte des blaires comme un chrétien, un pack-pack. De black aussi, de blood dans la fantôme. Tu parles de quoi, ferme ta boca. Tu parles de quoi, ferme ta boca. Lui c'est une bouquine à vue. Les guetteurs sont capuchés sous le Porsche. Avec en tête de péter une Porsche. Mets les points sur les i, dans le fond je suis hanté. T'es tombé au star, tu t'es fait soulever. Tu t'es fait soulever, au final t'as pas de quoi te vanter. t'as pas de quoi te vanter. Au final, t'as pas de quoi te vanter. Je reste focus sur ce que je vois, j'ai l'idée fixe. Remets depuis le début, remets depuis le début. Pull up, pull up. Pull up, ça. C'est la dernière, celle-là, les frères. Elle est partie. 23h58 exactement. Le train à destination. À bientôt partir. Les guetteurs sont capuchés sous le Porsche. Capuchés sous le Porsche. Les guetteurs sont capuchés sous le Porsche. Ouais. Capuchés sous le Porsche. Eh. Eh. Eh. Ok. Ok. Ok. Les guetteurs sont capuchés sous le Porsche. Avec en tête de péter une Porsche. Mets les points sur les i. Dans le fond, je suis hanté. T'es tombé au star. Tu t'es fait soulever. T'es fait soulever, au final t'as pas de quoi te vanter. T'as pas de quoi te vanter, au final t'as pas de quoi te vanter. Je reste focus sur ce que je vois, j'ai l'idée fixe. Je suis tombé dedans tout comme Obélix. Je vois ma potion magique, je vais les baiser tellement fort que ce sera du classé X. Femme sur Jogo, tout le quartier est là. Je vous ai ramené tout comme pour un attentat. Tout est écrit dans le texte. On s'évade, on flex, on les baisse. Une femme est une pute si le maquillé. On veut une femme belle sans se maquiller. Résistant dans le rap, bienvenue dans mon maquis. Je donnerai pas à mon cul comme une. Un flow piquant, ça c'est Harissa. Je vais les manger avec du bissap. Avec du bissap, je vais les manger avec du bissap. Si la frappe est CLS, dis-leur que c'est nous. Y'a que devant Dieu qu'on se met à genoux. Tes gavas sont cramés, y'a des putes dans le secteur. Réglés comme un coucou pour kicker, je suis à l'heure. J'ai des collègues en cours. D'autres qui opèrent dans le four. Ta sœur a un côté Schmitt. Comme la 3-8, elle fait que donner tour. Nick Jerry. BDRG. BDRG. 5 minutes de temps additionnel. BDRG. Hey. On est dans les prolongations. Hey. Hey. Prends ta et mon humour, car tu repasses dans les coins. Mais t'inquiète, mon équipe a tout à leur encombre tes besoins. Elle m'a dit pour toi, je suis prêt à tout. Dans ma tête, c'est le bif et les toits. BDRG, Philippe, un peu d'ennui. Hey, hey, on veut du lever, coupe au jack.